Le joueur coréen Shin Chul-bum a obtenu les médailles d'or au championnat asiatique d'haltérophilie 2017 en cours au Turkménistan. Plus de 150 haltérophiles de 29 pays et régions, dont la Corée, le Vietnam et la Thaïlande, y ont pris part. L'haltérophile coréen 62 kg s'est classé premier au total. Deux médailles d'or à l'épaulé jeté et au total, et une d'argent à l'arraché.